Aujourd'hui, dans l'émission Partager, c'est sympa, on se plonge dans une enquête en 5 volets sur le dossier le plus radioactif de France, d'un scandale national ayant pris la forme d'un trou à 35 milliards d'euros, d'un secteur industriel ayant décollé pour électriser la France et qui se retrouve aujourd'hui incapable d'atterrir, faute d'avoir prévu une piste d'atterrissage. Investigation Cash, je mène l'enquête et je vous emmène avec moi, parce que les Français ont le droit de savoir. Il ne t'aura pas échappé que les trois quarts de l'électricité française proviennent du nucléaire. Depuis plus de 40 ans, nos 58 réacteurs ont arrosé la France d'électricité bon marché et génèrent 1200 tonnes de déchets radioactifs par an. Alors si on arrive à retraiter, recycler ou entreposer la grande majorité de ces déchets, il reste comme une immense épine, presque un arbre dans le pied de l'industrie nucléaire. 3% de ces déchets concentrent 99% de la radioactivité et resteront ultra dangereux pour des milliers, voire des millions d'années. Même vitrifiés ou coulés dans du bitume, ils continuent d'émettre des rayons ionisants mortels. Alors, que faire ? Faute de meilleures solutions, les autorités ont décidé de mettre la poussière nucléaire sous un maxi-tapis. C'est à Bure que l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, a décidé d'enterrer par 500 mètres de fond sur 250 km de galeries pour 100 000 ans minimum 80 000 mètres cubes de radioéléments les plus dangereux de l'industrie nucléaire. Le projet CIGEO, c'est le nom du trou, a de quoi séduire. Un coffre-fort sûr, un problème réglé, une solution définitive. Mais qu'en est-il vraiment? N'y aurait-il pas anguilles radioactives sous roche? Il faut que je tire ça au clair. De la bouche même de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, chargée de surveiller l'ANDRA, le projet a des failles. Risque d'incendie et d'explosion à 500 mètres de profondeur, panne de ventilation, terrorisme, accident. Il semblerait que l'ANDRA soit à ce jour incapable de répondre à ces problèmes, bien que la question lui ait été posée depuis 2005. Seconde faille, EDF, Areva et consorts ne disent pas clairement quels déchets ils veulent enfouir, ni à quel point ils sont radioactifs, de peur que l'ANDRA les refuse à la porte. Une rétention d'informations qui réduit encore les chances de l'ANDRA de maîtriser toutes les données du problème et augmente encore les risques. Troisième faille, après l'an 2145, CIGEO sera scellé définitivement. On ferme et on jette la clé. Et que se passera-t-il dans les profondeurs en cas de guerre ou de catastrophe naturelle dans les 1000 ou 10 000 ans à venir? Personne n'en sait rien, pas même les pontes du nucléaire. Quatrième faille, le coût. On parle d'un trou à 35 milliards d'euros minimum et le prix n'a cessé de grimper depuis le début. Et quand tu sais que Areva et EDF n'ont provisionné que 5 milliards, t'imagines bien que c'est nous qui allons payer le reste. A-t-on vraiment envie de payer cette stratégie de l'autruche? C'est qu'en mettant la tête dans le sable, on risque fort de se faire botter le cul. Alors existerait-il des alternatives? Dans cette affaire du nucléaire, la seule chose qui fasse l'unanimité, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Les déchets sont là, qu'on le veuille ou non, il va bien falloir faire quelque chose. Explorons les options qui s'offrent à nous. D'abord, financer la recherche pour trouver d'autres options. La solution de l'enfouissement s'est imposée tellement rapidement que très peu de recherches ont été faites pour trouver d'autres alternatives. Ensuite, privilégier le stockage sur les sites de production en subsurface juste sous la terre. Ça facilite leur surveillance et la réactivité en cas d'accident. Mais surtout, notre meilleure option est une option réversible. On ne sait pas ce que les recherches sur des milliers d'années vont permettre d'inventer. Mais en enfouissant ces déchets et en jetant la clé, on prend une décision pour les générations futures sur laquelle elles ne pourront jamais revenir. Bon, je sais pas pour toi, mais cette solution imposée sans débat démocratique et sans explorer toutes les options possibles me convient pour ainsi dire pas. Alors faut-il assumer ce choix? C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. À ce stade de l'enquête, une question s'impose. Doit-on encourager une industrie incapable de gérer ses déchets à continuer? Car le projet CIGEO, c'est l'éboueur salvateur qui permet à l'industrie nucléaire de se maintenir à flot. Mais ça ne fera pas disparaître la poussière sous le tapis. Alors ne pourrait-on pas arrêter d'empirer le problème? Et même, si j'ose dire, le réduire à sa source? Sortir progressivement du nucléaire et arrêter de produire ses déchets, c'est possible. C'est ce qu'a démontré le scénario négawatt et même un scénario de l'ADEME qui montre qu'en d'ici 2050, et ce sans passer par des centrales à charbon, la France pourrait être 100% renouvelable sur la base de trois piliers: efficacité, sobriété et renouvelable. Alors qu'est-ce qui semble le plus raisonnable? Continuer de produire des tonnes de problèmes insolubles, dangereux et coûteux chaque année? Ou alors réduire notre consommation électrique et sortir du nucléaire? La majorité des Français n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe à Bure, de la fuite en avant de l'industrie nucléaire, des risques qu'elle prend sans nous demander notre avis. Et c'est voulu. qui prendrait l'avion s'il savait qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage? Alors vous qui regardez, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire savoir à vos proches ce qui se joue sous notre nez. Seule notre résistance fera la différence et les militants sur place et partout en France sont déterminés. Vous pouvez les suivre et les soutenir juste là. De notre côté, on va continuer d'enquêter. La Terre, notre belle planète bleue. Dans les films, elle est toujours sauvée par un super-héros. Dans la vraie vie, on l'attend encore. Mais le péril, lui, il existe bien, c'est le changement climatique. Explication. À l'origine du changement climatique, il y a les gaz à effet de serre. Ces gaz forment une couche qui se concentre dans le haut de l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère depuis toujours. Ces gaz ont un rôle de régulateur pour notre planète. Ils gardent la chaleur du soleil et maintiennent la Terre à une température moyenne de 15 degrés. Sans eux, il ferait très froid, environ moins 18 degrés. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont provoqué l'augmentation artificielle des gaz à effet de serre. Le filtre s'est transformé en une couche de plus en plus dense qui forme comme un manteau autour de la Terre et retient plus de chaleur. C'est ce qui provoque le réchauffement de la planète. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. 5 degrés, ce n'est pas énorme, me direz-vous. Détrompez-vous. Depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, et aujourd'hui, la Terre s'est justement réchauffée de 5 degrés. Le réchauffement de la planète modifie les équilibres naturels. Température, régime des vents et des pluies, biodiversité, acidité de l'océan. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. 700 millions de personnes devront quitter leur logement et trouver refuge ailleurs. L'augmentation de la température moyenne de la Terre accentue l'évaporation de l'eau. Le cycle de l'eau se modifie, avec pour conséquence plus de pluie au nord et de sécheresse au sud, et des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Le réchauffement de la planète va aussi avoir des effets sur notre santé. Certains insectes, comme le moustique tigre, apparaissent dans des régions où on ne les avait jamais vus. Des maladies tropicales se développent dans plusieurs pays du monde. C'est le cas du chikungunya ou de la dengue. Les déserts gagnent du terrain, comme au Kenya ou en Tanzanie. La biodiversité est menacée. 20 à 30% des espèces végétales et animales de la planète risquent de disparaître à court terme, soit environ 20 000 espèces par an. Et il n'y aura pas de super-héros pour nous sauver. Pour éviter ce mauvais scénario, chacun de nous peut et doit agir. Voici comment. La première chose à faire est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous devons réduire la production et la consommation d'énergie fossile, comme le gaz, le pétrole ou le charbon. Dans le même temps, il faut continuer à développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, les biocarburants, mais aussi lutter contre la déforestation tropicale. Nous devons également encourager la rénovation des habitats et la construction de bâtiments bioclimatiques très économes en énergie, ou encore privilégier les transports en commun et les transports partagés. Nous pouvons aussi limiter tous les gaspillages de la vie quotidienne, eau, énergie, déchets ménagers et industriels. Enfin, nous devons nous adapter à la hausse des températures et à la modification du climat. Certaines cultures qui demandent trop d'eau pourront être remplacées par d'autres, mieux adaptées au climat. Chacun de nous a donc un rôle à jouer. Par nos actions individuelles et collectives, nous pouvons adapter nos sociétés et lutter contre le changement climatique. À nous d'être des super-héros. Retrouvez toutes les solutions sur le site de l'ADEME. La météo. Oui. Chère Catherine Laborde, il faut quand même qu'on vous présente aux auditeurs de France Inter. Bien sûr, ils vous connaissent, mais ils n'avoueront jamais qu'ils ont déjà regardé TF1. Ils regardent Arte. Vous avez déjà vu la météo sur Arte? Bon, Marie-Pierre, allez-y. Des pluies fines fouetteront délicatement vos fenêtres comme dans un Bergman et vous songerez alors à l'insondable vacuité de l'être jusqu'à la mi-journée où le ciel s'ouvrira comme un turner plutôt période 1820 où les rayons du soleil darderont d'un feu qui vous rappellera les séjours naturistes en Allemagne de l'Ouest avec Angela Merkel. Voilà. Bon, ça y est, il pleut. Bon, merci Marie-Pierre Planchon. Voilà, c'est votre collègue, Catherine. Alors, techniquement, vous faites le même métier. Sauf que Marie-Pierre passe directement de son lit au studio. D'ailleurs, si vous regardez sous la table, elle est en pantalon de pyjama. Il est même déjà arrivé que Marie-Pierre se réveille après nous avoir donné la météo. Bref, vous savez comment sont les auditeurs de France Inter. Je ne regarde jamais la télé. Je ne l'ai plus allumée depuis 20 ans. Oui, mauvaise excuse. Catherine Laborde a commencé en 1988. 28 ans de carrière. Ça dépassait vos prévisions, ça, Catherine. Vous étiez indéboulonnable, tel un cumulonimbus en Bretagne. Est-ce que vous avez déjà compté combien de barbecues reportés? Combien de pique-niques annulés? Bref, combien de rhumes évités grâce à vous pendant toutes ces années? Rassurez-vous, tel que je vous vois là en face de moi, on a l'impression que le temps n'a pas d'effet sur vous. Et avec cette douceur dans le timbre de la voix, quand vous nous annonciez qu'il allait faire froid, on avait l'impression que vous nous disiez « N'oublie pas ton écharpe, je l'ai rangée dans le tiroir du bas ». Quand je pense qu'aujourd'hui vous êtes concurrencé par les applications smartphone et des assistants connectés, mais moi j'ai pas envie qu'on m'annonce la météo avec la froideur d'un député La République En Marche. Catherine et Marie-Pierre, jamais ils ne vous remplaceront. Vous avez annoncé des centaines de dépressions en gardant le sourire. Et puis Catherine, vous avez travaillé avec des légendes de l'actualité, PPDA, Claire Chazal, mais aussi avec des légendes de la météo comme Evelyne Delia ou Jean-Pierre Pernaut. On l'embrasse. J'en profite un peu, on reçoit la présentatrice météo de TF1 dans la matinale de France Inter. Les barrières sont en train de tomber. Ça ouvre des possibilités pour Dominique Seux un jour de participer à Danse avec les stars. Alors vous savez, Catherine, dans ce studio, on en reçoit plein des politiques qui font la pluie et le bon temps, mais de tous, vous êtes de loin la plus crédible. Et souvent, ces politiques, ils viennent chez nous, ils sont tout à fait sains et ils disent beaucoup, beaucoup de bêtises, rassurez-vous. Revenez, Catherine, vous voyez bien que depuis que vous êtes partie, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Merci Charline, merci Catherine Laborde. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Ah ah ah oui, c'est d'humeur égale et joyeuse. Nous courons vers la pointeuse, le temps d'enfiler nos bleus. Et nous voilà tous heureux. Hello, you're nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Ah, ah, ah oui, tout le monde à la maison nous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges. Et là, ce jour, pour vous prouver notre amour, nous allons tous vous offrir un peu de notre plaisir. Ah, ah, ah, nous allons changer de rôle, vous direz limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Qu'est-ce que ça me fait plaisir pour tous les gens de ma génération. Et puis, vous avez fait des millions, on va en parler tout à l'heure, mais des millions de spectateurs dans le monde au cinéma. Combien, tu sais, Gérard? Dans le monde, je sais pas, mais en France, je crois qu'on cumule 52 millions de spectateurs. 52 millions. Ouais. Depuis quelques mois, un vent de révolte gronde en France contre l'usage intensif des pesticides par l'agriculture. Une enquête très regardée de l'émission de télévision Cache Investigation, en février dernier, a mis en relief plusieurs données alarmantes. Une industrie aux mains de 6 multinationales opaques et puissantes, des enfants exposés chaque jour à des dizaines de polluants chimiques, 100% des Français contaminés. Alors, peut-on parler d'un scandale des pesticides ? Pour bien comprendre, expliquons ce que sont les pesticides et d'où ils viennent. Il existe trois grandes catégories de pesticides. Les herbicides contre les mauvaises herbes, les fongicides anti-champignons et les insecticides contre les insectes. Depuis le soufre et le mercure utilisés en Mésopotamie antique ou dans l'Empire romain, jusqu'au DDT répandu massivement dans les années 50, les pesticides sont depuis longtemps utilisés dans l'agriculture. Mais leur usage s'accélère après la Seconde Guerre mondiale. On estime que de 1945 à 1985, la consommation des pesticides double tous les 10 ans. Avec des effets loin d'être tous négatifs, les pesticides ont joué et continuent à jouer leur rôle dans la lutte contre les famines et l'éradication d'épidémies. La France, par exemple, consomme près de 67 000 tonnes de pesticides par an, ce qui la place au deuxième rang européen derrière l'Espagne, mais tout de même loin derrière le Brésil ou l'Argentine. Depuis la fin des années 90, la consommation a globalement diminué dans l'Hexagone, mais elle est repartie à la hausse depuis 2011. Car les pesticides sont littéralement partout. Dans l'agriculture, bien sûr, où certaines cultures comme les pommes ou la vigne nécessitent une trentaine de traitements. Mais aussi dans l'industrie, les tissus, les meubles, les toitures, les façades ou les routes sont concernés. Selon plus de 150 études réalisées dans 61 pays, des résidus de pesticides ont été trouvés dans le cerveau, le sang, le lait maternel ou encore le sperme. La médecine commence à soupçonner les pesticides d'être d'authentiques poisons. Un grand nombre de ces produits chimiques sont classés cancérogènes, toxiques pour l'ADN ou nocifs pour la fertilité. Certains pesticides sont suspectés de jouer un rôle dans le diabète, l'obésité, le cancer du sein, de la prostate ou de la thyroïde. À cette liste, on peut ajouter les troubles de l'attention, l'hyperactivité et même l'autisme. Autre exemple, la maladie de Parkinson est ainsi reconnue comme maladie professionnelle en lien avec les pesticides. Au total, l'Organisation mondiale de la santé estime que l'intoxication par des insecticides, des herbicides ou des fongicides cause quelque 250 000 morts par an dans le monde, soit autant, voire plus, que certaines grandes maladies. Au-delà de la santé humaine, les pesticides sont responsables d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de la pollution des sols, de l'air et de l'eau. Ils menacent la biodiversité dans son ensemble, des micro-organismes dans les sols aux insectes pollinisateurs. Les néonicotinoïdes, par exemple, une classe d'insecticides très toxiques, très persistants dans l'environnement et massivement utilisés, sont mis en cause dans la surmortalité des abeilles, dont dépendent pourtant une immense partie des cultures mondiales. Mais aujourd'hui, les responsables politiques commencent à prendre conscience du problème. Certaines substances sont déjà interdites, le DDT depuis les années 70 par exemple, ou l'atrazine depuis 2003 en Europe. Quatre néonicotinoïdes font également l'objet d'une interdiction partielle à l'échelle européenne, tandis que le Parlement français veut les interdire totalement. En France, justement, changer les vieilles habitudes n'est pas facile. Un plan, Ecophyto, a été lancé en 2009, avec pour ambition de réduire de moitié l'usage des herbicides, fongicides et insecticides d'ici à 2018. Mais ce plan a été un échec. Pour pallier ce problème, un volet, Ecophyto 2, doit démarrer au printemps avec le même objectif, une baisse de 50%, mais repoussée à 2025. Reste la principale alternative aux pesticides, l'agriculture biologique. Elle est en plein essor. En France, les surfaces cultivées en bio ont bondi de 17% en un an fin février pour atteindre 1,3 million d'hectares. Le nombre de producteurs ayant aboli pesticides et engrais chimiques a progressé de 8,5%. Ils sont désormais 28 725 à se passer de ces produits. Cela représente seulement 6,5% des fermes françaises, mais près de 10% des emplois agricoles. Plus largement, l'agroécologie constitue une solution d'avenir face au tout pesticide. Priorité aux plantes anti-insectes, à la polyculture, au désherbage mécanique, aux engrais verts. D'autant que les pesticides se révèlent bien moins rentables que prévu selon une vaste étude de l'Institut National de la Recherche Agronomique. Les dégâts sur les écosystèmes, les frais de santé, les coûts pour contrôler ces substances, pour assainir les eaux, les frais supplémentaires pour acheter des produits bio, la perte de rendement due aux résistances développées par les ravageurs ou les mauvaises herbes sont autant de coûts cachés des pesticides. Alors, il y a une chose qui semble tout à fait claire aujourd'hui, c'est que l'atmosphère de notre planète, la surface de notre planète, se réchauffe. On a gagné pas tout à fait un degré, mais à peu près depuis le début du siècle, même depuis les derniers 50 ans. Et quel est l'effet de ce réchauffement? Eh bien, tel que l'avaient prévu les modèles mathématiques, c'est une déstabilisation des climats. Cela produit plus de tempêtes, plus de sécheresses, plus d'événements catastrophiques, et on peut penser que cela va se poursuivre. D'autant plus que ce réchauffement de la planète, nous le savons, est largement dû à des activités humaines. Quelle activité? Simplement l'émission de gaz carbonique par les voitures, par les chauffages urbains, par l'industrie. Nous savons également que le gaz carbonique dans l'atmosphère a augmenté d'environ 30% depuis le début du siècle. L'industrie humaine a dégagé quantité de gaz carbonique qui est équivalente, qui a augmenté la quantité qui était déjà là d'environ 30%. Et les prédictions que l'on peut faire, les meilleurs scénarios, même dans les conditions les plus optimistes, nous amènent à penser que d'ici l'an 2050, on aura doublé la quantité de gaz carbonique. Et ce doublement aura pour effet une augmentation de la température qui sera entre 3 et 6 degrés. Et ça, c'est vraiment redoutable. Quand on s'aperçoit qu'une augmentation de 1 degré est déjà perceptible, l'Arctique fond rapidement, l'Antarctique également, et il y a ces tempêtes, ces orages, et il y a beaucoup d'effets déjà visibles. Par exemple, les oiseaux arrivent plus tôt, repartent plus tard, les fleurs durent plus longtemps. Alors, quel rapport entre le gaz carbonique et le réchauffement de la planète? Ça s'appelle l'effet de serre. C'est exactement ce qui se produit quand un cultivateur met au printemps ses semences dans un endroit sur lequel il met une plaque de verre. La plaque de verre a pour effet que la lumière du soleil traverse la plaque de verre. Le verre est transparent à la lumière du soleil, mais cette lumière est absorbée par le sol, transformée en rayonnement infrarouge, et le verre est opaque au rayonnement infrarouge. Ce qui fait qu'à l'intérieur de la serre, ça se réchauffe. Tout le monde sait que dans une serre, il fait chaud. Il fait chaud en grande partie, justement parce que la lumière du soleil, l'énergie thermique du soleil, est capturée par le verre et reste prise là. Le gaz carbonique fait exactement la même chose. Il capture, il fait comme la plaque de verre, il est transparent à la lumière visible à nos yeux, mais il est opaque au rayonnement infrarouge. Et en fait, cet effet de serre qu'on est en train d'accroître a joué un rôle fondamental dans l'évolution de la vie. Pourquoi? Parce que si la Terre n'avait pas eu dès le départ une couche contenant du gaz carbonique, la température au sol aurait été trop basse pour que l'eau reste liquide. Le soleil est trop loin et trop peu brillant. Et pendant les premières centaines de millions d'années de la vie de la Terre, la température moyenne au sol aurait été de moins 15 degrés Celsius s'il n'y avait pas eu l'effet de serre. Donc l'effet de serre est un élément important. Si on enlevait le gaz carbonique complètement, la température baisserait énormément. Mais c'est une question de dosage. Il faut une certaine quantité de gaz carbonique pour maintenir, pour élever un petit peu la température de la Terre. Si on en met trop, on aura ce qui s'est produit sur Vénus, par exemple, qui a une atmosphère 100 fois plus dense que la nôtre et qui a une température de 500 degrés. Évidemment, pas d'eau liquide, pas de vie possible sur Vénus. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'expérimenter, on peut dire faire une expérimentation sur la Terre. Qu'est-ce qui se produit si on augmente la température en augmentant la quantité de gaz carbonique? Eh bien ça, c'est ce que nous aurons à vivre dans les décennies qui viennent. On se croirait dans une prairie au grand air. A priori, c'est le cas à un petit détail près. Sous mes pieds sont enterrés des centaines de milliers de mètres cubes de déchets nucléaires. Des outils, des vêtements qui ont servi à l'industrie. Ça n'est pas la matière la plus radioactive, mais c'est l'écrasante majorité des déchets nucléaires. Les voilà, enfermés dans des conteneurs en béton ou en métal sur 15 hectares. Recouverts d'un grand parapluie en sable, en bitume ou en terre. De faible et moyenne intensité, cette matière radioactive, c'est 97% de la totalité des déchets nucléaires en France. Et les 3% qui restent alors ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les déchets hautement radioactifs. Et ils viennent d'ici, du cœur des réacteurs des centrales nucléaires, du combustible, l'uranium. Et il est tellement toxique, tellement dangereux pour l'homme, qu'il doit être isolé pendant 100 000 ans. 100 000 ans, t'es sûr ? Eh oui, c'est du sérieux. Avec 75% de son électricité produite à partir du nucléaire, la France est le pays au monde le plus dépendant. On produit en déchets de quoi remplir 120 bus à étage ou l'équivalent de 2 kilos par Français par an. Et on est loin d'être les seuls. Dans le monde, 30 pays abritent 449 réacteurs nucléaires. 60 nouveaux sont en construction dans 15 pays, la plupart en Asie. Ajoutez à ça le démantèlement des vieilles centrales, les pays qui choisissent de sortir du nucléaire et on obtient une masse de déchets nucléaires qui ne cesse de gonfler. Et ça, c'est avant que les choses ne tournent mal. Le Japon lutte encore avec des quantités astronomiques de matières radioactives après la catastrophe de Fukushima en 2011 et notamment les 400 tonnes d'eau contaminées chaque jour. Que l'on soit pro ou anti-nucléaire, tout le monde s'accorde sur un point. Ces déchets hautement radioactifs, c'est un problème et on n'a pas de solution pour le long terme. Un peu comme si on était tous gentiment assis dans un avion sans piste d'atterrissage. À La Hague, le site qui concentre le plus de matières radioactives d'Europe. Ici, entre chaque jour, l'équivalent de 6 tonnes de combustible usé d'un peu partout dans le monde qui vient ici pour être recyclé. Ici, pas âme qui vive. La matière qui vient d'arriver est extrêmement dangereuse. Le déchargement est fait par des machines. En fait, ces déchets, on va pouvoir en tirer quelque chose. Le procédé de traitement au recyclage, il consiste finalement à séparer de façon chimique les matières valorisables, l'uranium pour l'essentiel, mais également du plutonium. C'est à partir de ces matières que l'on va pouvoir recréer du combustible. Le spectacle est presque beau. Une eau turquoise qui abrite pourtant l'équivalent de 30 cœurs radioactifs. Des piscines comme celle-là à La Hague, il y en a 4. 10 000 tonnes de combustible usé refroidissent ici. Et au-dessus, vous le voyez, vous avez 4 mètres d'eau. C'est la barrière radiologique. C'est ce qui me permet d'être ici sans risque aucun. Et du coup, le combustible, lui, va rester dans ces piscines pendant 4 à 7 ans. Après des opérations complexes, ce qu'il reste du combustible est coulé dans du verre. On appelle cela la vitrification. Il est ensuite entreposé dans cette gigantesque cathédrale nucléaire. Prenez 130 de ces puits et vous obtenez les déchets nucléaires d'une année de production d'électricité en France. Ils n'ont pas vocation à rester là, ils sont simplement entreposés. C'est pour eux qu'on cherche une solution définitive. C'est le casse-tête de l'industrie du nucléaire. En réalité, on a fait de gros progrès. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais il n'y a encore pas si longtemps, les déchets nucléaires, on les jetait en mer, tout simplement. Et c'est Greenpeace qui a soulevé l'affaire. En 50 ans, les différents pays nucléaires ont immergé plus de 100 000 tonnes de déchets dans les différents océans. 80% pour les Britanniques à eux seuls. Mais depuis 1993, la loi internationale l'interdit. Alors, faute de mieux, tout le monde s'est mis d'accord sur une solution. Enfouir ces déchets, non plus dans la mer, mais dans les grandes profondeurs de la Terre, très loin de nos yeux. C'est un projet d'une ampleur hors norme, au milieu de nulle part, dans la Meuse, en France. Ici, dans plusieurs décennies, devraient être enterrés les déchets français de moyenne et haute activité. Nous allons descendre dans cette cage d'ascenseur, un puits de mine pendant 7 minutes sans nous arrêter, jusqu'à 500 mètres de profondeur. On a notre oxygène, on y va. Dans ce laboratoire souterrain, depuis 15 ans, scientifiques et ingénieurs testent et décryptent les propriétés de la roche pour voir si l'on pourra enterrer ici. S'ils obtiennent le feu vert, 83 000 mètres cubes de déchets radioactifs seront enfouis sur 30 km carrés après avoir été isolés dans des containers et enrobés de béton pour un coût de 25 milliards d'euros. Ces alvéoles vont accueillir des déchets de haute activité dans des containers qui sont censés tenir le coup pendant 500 ans. Après cela, c'est la roche elle-même, de l'argile, grâce à ses propriétés naturelles, qui va contenir cette radioactivité, cette fois pour 100 000 ans. Ça nous fait 4000 générations, une prison géologique pour nos déchets nucléaires. Mais le projet fait des vagues. Et si ces déchets empoisonnaient notre Terre ? Et s'il y avait une fuite, voire un accident nucléaire dans le futur ? On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, dans 100 ans. Il peut y avoir un tremblement de terre, une faille. Il peut se passer plein de choses dans la Terre. Comment est-ce que vous pouvez me garantir que cette roche-là, elle va garantir notre sécurité ? Eh bien, elle va la garantir beaucoup plus que ce qui va se passer en surface dans les 10, dans les 20 ans, dans les 30 ans, dans les 500 ans qui vont suivre. Ici, à l'intérieur de la couche d'argile qui n'a pas bougé depuis 160 millions d'années, eh bien, nous pouvons être sûrs que les effets des tremblements de terre, si jamais ils surviennent, seront tout à fait minimes à 500 mètres de profondeur. Cette roche ne va pas bouger. Elle va conserver ses propriétés, tout comme elle les a conservées ces 160 derniers millions d'années. Donc vous me dites que tout s'est bien passé par le passé, oui. Et que c'est ça qui nous garantit que tout va bien se passer à l'avenir. Tout à fait. En tout cas, ça le garantit infiniment mieux que tout ce qu'on pourrait supposer à la surface, qui, elle, est soumise à tous les aléas que vous connaissez, les aléas climatiques, voire même les aléas humains, les guerres, le terrorisme, tout un tas de choses qui peuvent à tout moment survenir à la surface, alors qu'ici, le milieu géologique est infiniment plus prédictible et sur une échelle de temps beaucoup plus grande. L'argument est loin de convaincre les opposants. À la surface, les manifestations se durcissent. Et pourtant, a-t-on vraiment une alternative ? On a bien pensé à envoyer des déchets radioactifs dans l'espace, mais ce serait coûteux et dangereux. L'idée a vite été abandonnée. Alors, de nombreux pays ont ou vont faire le même choix que la France. La Finlande, par exemple, avec un dilemme quasi philosophique. Et bien sûr, on ne sait pas quelle langue ou quelle sorte d'individus seront là dans des dizaines de milliers d'années. Donc on ne peut pas laisser des messages d'alerte. Enfin, on pourrait laisser quelque chose dans toutes les langues qui existent de nos jours, peut-être. Alors, il y a un débat mondial. Comment indiquer le danger à nos descendants ? Peut-être en utilisant des panneaux qui dépassent les âges et les langages, comme celui-là, celui-là ou peut-être celui-là. Ou alors, la solution serait peut-être de ne rien indiquer du tout en espérant que personne ne vienne jamais creuser. Quoi qu'il en soit, comme les pharaons ont laissé derrière eux les pyramides, nous laisserons des déchets hautement toxiques pour le monde de demain. We'll be right back. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 18 octobre, vous êtes sur Le Média, tout de suite c'est l'autre 20h, mais juste avant, un nouveau point financier du Média qui, comme vous le savez, connaît de grandes difficultés financières. Où en est notre levée de fonds? Quels sont nos espoirs pour sauver le Média? C'est le troisième point financier. Ça fait un mois que nous sommes en campagne. Comme nous vous le disions la semaine dernière, la dynamique est lancée et elle est très encourageante. Nous avons reçu plus de 1000 dons en un mois avec en moyenne 73 euros par don. Certains sociaux ont fait preuve d'une générosité exceptionnelle. Pour fêter l'anniversaire du Média, nous avons même reçu un don de 1000 euros. Nos sociaux sont les plus mobilisés. Beaucoup ont augmenté leur participation. Environ 2500 sociaux sont déjà bougés sur 18500 sociaux. C'est énorme. Mais l'effort doit continuer pour que nous puissions atteindre la viabilité financière. Et il nous faut aussi augmenter le cercle des personnes qui nous soutiennent. Du coup, votre aide dans ce domaine peut être décisive. Il faut que vous parliez du Média autour de vous. Si chacun de vous, par exemple, arrive à convaincre une personne de son entourage, eh ben, le Média sera sauvé. Le Média est un lieu de liberté éditoriale et de reconquête politique unique en son genre. C'est ensemble que nous pouvons relever ce défi. Il nous faut poursuivre l'effort. Au menu de cette autre 20h, la mobilisation des retraités partout en France. Un petit coup de bourbon de Serge Faubert qui décrypte l'actualité politique de la semaine. Et après ce journal, un nouvel épisode des Sujets qui fâchent, animé par Gérard Miller, qui a reçu Julia Cagé. Peut-on vraiment acheter les électeurs pour le savoir rester sur le Média? Mais tout de suite, c'est l'actu. Plusieurs mobilisations ont eu lieu cet après-midi pour défendre les retraités menacés à leur tour par la politique d'Emmanuel Macron. Les 9 syndicats et associations principales ont appelé à la mobilisation générale contre la hausse de la CSG et la revalorisation des pensions de retraite prévues par le gouvernement. Une probable retraite à points en 2019 inquiète les retraités, mais aussi les actifs qui voient déjà leur pouvoir d'achat baisser. Les syndicats ont appelé les retraités à exprimer leur colère dans la rue. Arnold Engenti et Irving Maggi étaient aux côtés des retraités à Paris. Regardez. Pour nos sociaux, c'est nous expliquer ce que vous inspire un petit peu ces réformes d'Emmanuel Macron. Très mauvaise. Très mauvaise. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça ne sert que la, que les riches. Je suis là aujourd'hui en tant que retraité depuis quelques années. Pour manifester le mécontentement en raison de ce que nous avons eu à subir depuis le début de l'année, hein, après l'augmentation de la CSG pour les retraités, l'annonce faite par le gouvernement d'une aumône, j'appelle ça une aumône, hein, de revalorisation des retraites de 0,3% pour les deux années à venir. Déjà à l'heure actuelle, moi en ce qui me concerne, avec mon mari, puisqu'on a un régime, enfin, le régime fiscal est en même temps, on perd 1500 euros en tout par année. Parfaitement opposé à cette réforme. J'ai l'impression qu'on se fiche de nous, qu'on veut nous euthanasier, nous les vieux, on compte pour des prunes. Nous sommes les enfants de l'après-guerre, il ne faut pas l'oublier. On a commencé à travailler très jeune. Et cette retraite, on l'a gagnée. Vous m'entendez, on l'a gagnée. Qu'est-ce qui vous inspire? Regardez ça, voilà. Macron a tenu sa promesse. Je ne toucherai pas aux retraités. C'est promis, c'est dans son programme qu'il avait promis. Conclusion, M. Macron a menti. L'association Zéro Waste France a porté plainte contre deux fast-foods situés Place de la République à Paris. McDonald's et KFC, pour ne pas les nommer, semblent ne pas trier leurs déchets. L'ONG a noté l'absence de poubelles en salle et a analysé les sacs poubelles déposés devant les restaurants. Pour rappel, toutes les entreprises, restauration comprises, ont l'obligation de trier le papier, le métal, le plastique, le verre et le bois. Le responsable des affaires juridiques de l'ONG a rappelé que le secteur de la restauration rapide est fortement producteur de déchets recyclables pour la plupart du temps, mais qui sont très peu triés. Selon l'association, seuls 76 McDo sur 1500 trient leurs déchets. Savez-vous où se trouve l'organisme vivant le plus grand, le plus massif et le plus vieux au monde ? Dans l'Utah, aux États-Unis. Il s'appelle Pando, c'est une colonie de peupliers, un organisme unique sur Terre. Alors vous allez me demander, comment une forêt peut être un organisme vivant unique ? Eh bien, Rémi m'a expliqué tout simplement qu'il s'agit d'une colonie cloniale. Vulgairement, ces peupliers sont tous des clones et issus d'une seule et unique racine. Cet être vivant qui s'étend sur 43 hectares serait âgé de 80 000 ans et pèserait 6 000 tonnes. Pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Parce que malheureusement, Pando est menacé et risque de disparaître, selon une étude publiée hier dans la revue scientifique PLOS ONE. 80 000 ans d'histoire naturelle pourraient bien disparaître, en cause les espèces animales envahissantes qui pullulent et profitent de l'absence de prédateurs, du loup en particulier, chassé de la zone par l'homme. Plus de loups, plus de cerfs qui se nourrissent de jeunes pousses de l'arbre, la forêt ne peut donc plus se régénérer et est en train de mourir à cause de l'homme. Le Média, un petit mot pour nos confrères de l'AFP qui ont fait un débrayage de 3 heures ce jeudi pour protester contre un plan de suppression de 125 postes. Comme toutes les semaines, Serge Faubert revient sur l'actualité politique de la semaine. Remaniement, nouveau groupe à l'Assemblée nationale du côté de La République En Marche, perquisition en masse chez La France Insoumise, c'est un petit coup de bourbon. Qui pouvait ignorer en France que nous étions depuis 15 jours dans l'attente d'un remaniement ? Qui pouvait encore ignorer qu'après le départ de Nicolas Hulot, l'affaire Benalla et la démission de Gérard Collomb, le pouvoir comptait sur ce ravalement pour se relancer ? Et voilà que le jour même de l'annonce du gouvernement, des effectifs de police se précipitent pour perquisitionner le domicile de Jean-Luc Mélenchon et ceux d'une dizaine de ses collaborateurs. Sans oublier le siège de la France Insoumise et celui du parti de gauche. Une coïncidence, nous dit-on, un pur hasard de calendrier. La justice est indépendante. Comment prêter foi à cette argumentation ? L'enquête préliminaire a débuté il y a plus d'un an et demi, et voilà que tout à coup, il devient urgent de perquisitionner. Craignait-on que Jean-Luc Mélenchon se réfugiât au Venezuela, lui qu'on trouve tous les mercredis à l'Assemblée nationale ? Comment croire cette faribole ? Il eût été si simple de programmer l'opération quelques jours après l'annonce du nouveau gouvernement pour dissiper le soupçon. Ou de désigner un juge d'instruction, magistrat indépendant à la différence du ministère public, comme ce fut le cas jusqu'ici dans toutes les affaires mettant en cause une formation politique. Ou encore, de convoquer Jean-Luc Mélenchon pour l'entendre comme cela a été le cas ce matin. À moins qu'on ait voulu qu'il en soit ainsi. À moins qu'on ait voulu que cette perquisition ait bien lieu le jour du remaniement. La cerise sur le gâteau, en quelque sorte. Pour le chef de la France insoumise, cela ne fait pas de doute. Je pense que le scénario ne prévoyait pas que nous réagissions politiquement. Le scénario qui était prévu, c'était un remaniement, et le lendemain, l'étalage dans la presse, premièrement de fuite opportunément distribuée, je ne sais pas de quoi, et puis l'image pitoyable de tous les membres de la France insoumise convoqués au tribunal de Nanterre pour se faire notifier, nous ne savons pas non plus quoi. Et tout ça, évidemment, n'a pas fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est notre protestation, et je le redis, ça ne sert à rien de faire une escalade judiciaire. Ça n'a pas de sens. Nous parlons ici d'un signalement fait par une femme du Front National il y a un an et demi. D'accord ? Et on nous fait une perquisition, moi on m'a dit on vous en fait deux en même temps. Une pour cette affaire-là et l'autre pour les comptes de campagne, qui est un traquenard. J'ai déjà dit que je demandais que tous les comptes de campagne soient réexaminés. Et je suis d'accord pour que le mien le soit. Pour ce qui est de l'opération de déstabilisation, c'est raté. En revanche, l'emballement médiatique est au rendez-vous. Les images aidant, voilà qu'on s'interroge avec gravité sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis. Était-elle appropriée ? Oubliez la hiérarchie de l'info. L'écume de l'événement chasse la complexité du réel. On peut disserter à l'infini sur le volume sonore et l'attitude de tel ou tel. Mais ce qui doit d'abord interroger, c'est la date et l'ampleur de cette perquisition. Parce qu'il y va de l'indépendance de la justice et du bon exercice de la vie démocratique. Remettons l'église au centre du village. L'affaire, ce ne sont pas tant les cris et les bousculades que le détournement d'une mission de police judiciaire par le pouvoir. On écoute sur ce point Jean-Luc Mélenchon. Des images tournées par Quentin Rossi. Donc j'interpelle votre conscience de gens qui êtes censés faire de l'information, pas vous interroger pour savoir si Mélenchon est aussi méridional qu'il en a l'air. Il l'est, et je mets au défi l'un quelconque d'entre vous dans une scène pareille de garder le flegme britannique que sans doute vous avez, moi. Je n'en suis pas capable. Le sujet n'est pas mon comportement, et ceux qui disent sont des procédures normales. Peut-être que ce sont des procédures normales quand il s'agit de saisir des gangs, mais quand il s'agit des militants politiques qui n'ont absolument rien à se reprocher, qui ont une vie entière faite de dévouement, eh bien figurez-vous que c'est d'une violence terrifiante que des choses comme celle-là. Cette mise en scène judiciaire et policière trouble jusqu'aux parlementaires de la droite républicaine. Même ceux qui désapprouvent le comportement de Jean-Luc Mélenchon lors de la perquisition. Ainsi, Philippe Gosselin, député LR de la Manche et vice-président de la Commission des lois. On n'avait peut-être pas besoin de déployer autant de moyens. Sous cette forme-là, les bureaux n'allaient pas s'envoler, ou alors on aurait pu le faire il y a déjà quelques semaines, quelques mois. Et donc, dans ce sens-là, et c'est ce qui est d'ailleurs la difficulté, c'est que la réaction de Mélenchon est un peu alimentée par cette maladresse, je trouve, de la justice. Philippe Gosselin n'est pas le seul à s'interroger. Le député de Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Lagarde, patron du groupe UDI à l'Assemblée, pointe les dérives de cette perquisition. La seule chose qui pose problème en termes de démocratie, c'est quand il y a une intervention de police dans le siège d'un parti politique. C'est aujourd'hui chez France Insoumise, c'est chez d'autres hier. Le fait que la police intervienne et aspire les fichiers d'un parti politique, voire les secrets d'un parti politique, ça pose une difficulté, parce que quand c'est dans les mains de la police, c'est dans les mains du pouvoir. Je pense qu'on a intérêt à légiférer pour se dire que quand on intervient dans un parti politique, les fichiers des adhérents, ça ne peut pas regarder la police et la justice, parce qu'à ce moment-là, quand il s'agit de partis d'opposition, il y a un risque, effectivement, que le pouvoir s'en serve contre des partis d'opposition. Ça, c'est un risque démocratique. Et le remaniement ministériel dans tout ça, me direz-vous ? Ce sont les députés de tous bords qui en parlent le mieux. Écoutez ce florilège que j'ai recueilli avant-hier. Ce remaniement est un absolu non-événement. Tout le monde s'en fout, d'accord ? Ça n'a absolument aucune conséquence politique, puisqu'on a un président de la République qui nous dit « je ne changerai pas de politique ». Donc le jeu de chaises musicales peut continuer. Ça ressemble beaucoup aux combinaisons de la 4e République. On voit bien dans l'équilibre général de ce remaniement que chaque pion a été dosé en fonction de son appartenance et pas de sa compétence. On a le sentiment d'une sorte de panne. 15 jours de tergiversation pour un gouvernement qui est un gouvernement de fidèles. C'est la Macronie qui s'ouvre à la Macronie. Cela prouve soit que le président a un peu perdu les pédales, soit qu'il a essuyé tellement de refus qu'il est revenu à la case départ. Ce remaniement est celui d'un régime en fin de course. Soyons honnêtes, il y a quand même quelques enseignements à tirer. D'abord, le Premier ministre a perdu son bras de fer avec le président. Christophe Castaner, dont Édouard Philippe ne voulait pas, est ministre de l'Intérieur. Peu rompu aux affaires policières, Castaner est flanqué de l'ancien patron de la DGSI, Laurent Nunez, bombardé secrétaire d'État à la Sécurité intérieure. Qui avait propulsé Nunez à la tête de la DGSI en juin 2017 ? Emmanuel Macron. Ce sont donc deux fidèles, deux obligés du président qui verrouillent la place Beauvau. Et pour faire bonne mesure, on en a rajouté un troisième. Le successeur de Nunez à la tête de la DGSI, un certain Nicolas Lerner, est issu de la même promotion de l'ENA qu'Emmanuel Macron. Le monde est petit, surtout dans la police. Quant au nouveau souffle que ce remaniement devait entraîner, ce sera pour une autre fois. Jour après jour, la majorité continue de s'effriter. Hier, 16 députés venus de La République En Marche, de l'UDI ou des radicaux ont créé un groupe parlementaire baptisé « Liberté et territoire ». C'est le 8e groupe parlementaire. Jamais sous la 5e République, l'Assemblée n'en a compté autant. À part ça, tout va bien. C'est la fin de cette autre 20h. Restez avec nous tout de suite, vous retrouverez Gérard Miller pour un nouvel épisode des Sujets qui fâchent. Mais avant, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche en bas à droite de votre écran pour recevoir toutes les notifications du Média, à partager et à liker les contenus qui vous plaisent. Enfin, j'ai un petit mot pour les sous-titreurs du Média. Ce sont des sociaux bénévoles qui sous-titrent en français pour les malentendants qui nous regardent et dans plusieurs autres langues, comme l'anglais, l'espagnol, l'italien ou encore le grec et l'espéranto, nos contenus. N'hésitez pas à vous rendre sur le site lamarmite.fr si vous ne les connaissez pas encore, qui se trouve dans la description. Et puis, vous le savez, on a plus que jamais besoin de vous. L'information libre et indépendante a un coût. Pour nous aider, vous pouvez devenir sociaux si ce n'est pas encore le cas, inviter amis, famille et collègues à le devenir ou nous faire un don. Vous retrouverez toutes ces informations dans les liens qui s'affichent toujours dans la description. Tout de suite, les sujets qui fâchent, peut-on vraiment acheter des électeurs? C'est la question que Gérard Miller a posée à Julia Cagé. Alors que la démocratie repose sur une promesse d'égalité qui trop souvent vient se fracasser sur le mur de l'argent, les dons aux partis politiques, prise de contrôle des médias et financement des campagnes électorales, la question se pose plus que jamais. Je vous souhaite une très bonne émission et une bonne soirée. À demain. Bonjour, les sujets qui fâchent sont donc de retour, je m'en réjouis et j'espère que vous aussi vous vous en réjouissez. Aujourd'hui, je reçois Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris. Bonjour Julia Cagé. Et je la reçois parce qu'elle est notamment l'auteur d'un formidable ouvrage sur la démocratie dans ses rapports ô combien problématiques avec l'argent. Ce livre, je le montre, il s'appelle « Le prix de la démocratie ». Et son sous-titre est tout à fait juste, en tout cas sa bande-annonce, une démonstration implacable. Je vais tout de suite montrer des sous, un billet de 20 euros, un billet de 10 euros et 2 euros en pièces, 32 euros. Alors, je rassure tout de suite ceux qui, je l'espère, auront envie de vous lire après notre émission. Ça n'est pas le prix de votre livre qui est beaucoup moins cher. C'est ce que vous expliquez dans le livre, chiffre à l'appui, être le prix qu'on peut mettre, si je puis dire, pour acheter un électeur. Vous dites que chaque candidat qui met 32 euros de plus que son concurrent a la possibilité de récolter une voix de plus. Alors, on va parler de ce sujet et évoquer notamment ce chiffre de 32 euros. Mais je vais peut-être vous commencer par une question plus générale, une question préalable, simple comme bonjour. Plus on a d'argent, plus on est riche, plus on a de chance d'être élu en France? Plus on dépense d'argent pendant une campagne électorale, mais ce qui peut dépendre de ses propres ressources pour financer sa campagne, plus en moyenne, statistiquement parlant, on a de chances d'être élu en France. Donc l'argent joue un rôle clé dans les élections, et ce que je montre, c'est qu'en effet, toute chose égale par ailleurs en moyenne, plus un candidat dépense 32 euros supplémentaires par rapport à ses concurrents, il va faire basculer ainsi une voix supplémentaire. Donc ensuite, si vous dépensez plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros de plus que les autres candidats, vous avez davantage de chances de remporter l'élection. Alors, est-ce que, pour simplifier d'emblée la discussion, est-ce qu'on peut dire que c'est l'argent qui, avant tout, fait une élection en France? Non, mais c'est un des facteurs qui fait l'élection. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. La personnalité du candidat, le parti du candidat, l'état de l'économie. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu dans une élection. Mais quand on contrôle pour l'ensemble de ces facteurs et qu'on essaie d'isoler le rôle joué par l'argent, on voit que l'argent joue un rôle important dans les élections, y compris en France. Alors même qu'en France, on a l'impression que parce qu'on a mis des règles sur les plafonds de dépenses, sur les plafonds de dons, on s'est protégé de l'argent. Et une des choses que je voulais montrer avec ce livre, c'était de dire non. Certes, la situation est meilleure en France qu'aux États-Unis, en même temps, fort heureusement, mais il y a quand même un poids disproportionné joué par l'argent aujourd'hui, et il faut une meilleure régulation. Alors, vous dites, vous évoquez d'autres pays, on pense évidemment aux États-Unis, un milliardaire, ça n'est pas le premier, est à la Maison-Blanche, et finalement les Français ont le sentiment que chez nous ça ne pourrait pas arriver. On va prendre des exemples concrets, y compris la dernière élection présidentielle, mais prenons pour commencer une élection locale, une élection municipale. On se dit que le chômage, par exemple, qu'il y a dans la circonscription, les investissements qu'ont pu faire les élus et notamment la municipalité, toute une série d'éléments qui tiennent aussi au programme de cette... que tout ça est quand même de très loin décisif dans le vote des électeurs. Donc on a du mal, quand vous dites que c'est un des éléments, l'argent, à voir comment ça se situe par rapport à tout ce qui habituellement nous semble plus important que l'argent. Tout ce que vous venez de citer, ça joue un rôle. Je vais vous dire très précisément ce que j'ai fait dans le livre. Et sur cette partie-là du livre, c'est basé sur une étude que j'ai menée avec Yasmine Bécouche, qui est chercheuse à l'École d'économie de Paris. Avec elle, on a étudié toutes les élections municipales en France et toutes les élections législatives en France depuis 1993. On a contrôlé pour tout ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a pris l'ensemble des circonscriptions électorales françaises, on a contrôlé pour le taux de chômage, on a contrôlé pour les investissements menés par les municipalités, on a contrôlé pour les caractéristiques de la population de la circonscription électorale, le revenu moyen, le niveau d'éducation, l'âge, le sexe, on a contrôlé pour tout ça, on a contrôlé même pour la popularité des partis une année donnée, et ensuite, ce qu'on appelle en économie toutes choses égales. Par ailleurs, on a essayé d'isoler le rôle joué par l'argent. Donc une fois que vous avez contrôlé pour les caractéristiques de la circonscription, pour la popularité à un moment donné du parti, aussi pour les caractéristiques du candidat, son sexe, son âge, est-ce qu'il était précédemment maire, si on prend les municipales, s'il est député, s'il se présente aux législatives, est-ce qu'il est maire au moment où il se présente aux législatives ? Toutes choses égales par ailleurs, un candidat qui dépense 32 euros de plus que les autres candidats à l'intérieur de sa circonscription va faire basculer une voie supplémentaire. C'est une régularité statistique. Ça ne veut pas dire que le reste ne compte pas. Le reste joue aussi, mais on voit quand même ce poids joué par l'argent. Ensuite, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'en fait, les candidats sont très inégalement dotés face à l'élection, notamment pour les élections locales. On n'aurait pas ça pour les élections présidentielles. À l'élection présidentielle, si vous prenez tous les candidats qui, pour le dire rapidement, ont une chance de se qualifier pour le second tour, ils arrivent quasiment tous au plafond de dépenses du premier tour, et en général, les deux candidats qualifiés pour le second tour arrivent au plafond de dépenses pour le second tour parce que les banques leur prêtent, parce que les partis investissent, et aussi parce qu'il y a une partie de financement public. C'est loin d'être le cas pour les élections municipales et législatives, où la plupart des candidats sont très loin du plafond de dépenses. Donc en fait, dans une grande ville, vous pouvez dépenser 80, 90 000, 100 000 euros, mais en fait, vous n'allez pas dépenser cette somme-là parce que vous n'avez pas cet argent. Et on voit une inégale dotation des différents candidats avec, c'est très marqué, un avantage le plus souvent pour les candidats de droite. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que cet avantage-là, il se traduit en moyenne par un avantage en termes de voix. Et donc au final, ça augmente votre probabilité de remporter l'élection. Alors, il y a effectivement l'argent dont, si j'ose dire, légalement, les candidats peuvent bénéficier. On parlera des différentes sources de financement. Puis il y a aussi, c'est quand même un aspect qu'on peut souligner, l'argent qui parfois est donné, c'est, je veux bien le croire, très minoritaire, qui est donné dans des enveloppes à un certain nombre d'électeurs. Sans citer le nom notamment d'un ancien député défunt aujourd'hui, on a évoqué des cas où c'est carrément, non pas 32 euros, mais des sommes plus importantes qui sont remises à des électeurs. Ça, vous en tenez compte aussi ? Non, en fait, le livre est basé uniquement sur les données légales, on va dire. Donc, j'ai fait un travail de collecte de données, un travail d'archives, pas seulement en France, hein, mais dans toute l'Europe, aux États-Unis, au Canada, voir les financements privés, voir les financements publics des élections. Je m'en suis tenue à l'argent qui apparaît dans les registres. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui est également sous la table, soit des enveloppes données aux électeurs, soit des enveloppes données à des candidats. Je pourrais renvoyer aux formidables enquêtes menées par Fabrice Arfi sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, par exemple. Ça, j'en tiens pas compte. Pourquoi ? Parce que je voulais faire un travail relativement systématique d'analyse de ce qui se passait. Et pour ça, en fait, je voulais me baser sur des données réelles et qu'on puisse pas venir me reprocher de dire voilà, Kadhafi a donné 1 million, mais peut-être qu'il a donné 2, peut-être qu'il a donné 3, ou peut-être qu'il a rien donné du tout. Quoique ça, je n'y crois pas trop. Et du coup, ce qui est vraiment frappant dans le livre, c'est que même en s'en tenant aux chiffres officiels, on voit qu'il y a un rôle joué par l'argent privé. Donc on se dit qu'en fait, si on avait toutes les autres données, ça serait peut-être encore bien pire. – Oui, c'est ça qui fait que votre livre est très inquiétant. C'est qu'on se dit, elle ne prend, si j'ose dire, que les chiffres officiels, que tout ce que tout un chacun reconnaît avoir dépensé ou avoir reçu. C'est ça qui est effectivement inquiétant. – En même temps, inquiétant, mais je pense qu'on parlera tout à l'heure des solutions. C'est un livre qui est très optimiste. C'est parce qu'une fois qu'on a établi le constat et qu'on voit la racine du problème, on peut proposer des solutions. – Voilà, vous devancez ce qui va être effectivement… les questions à venir sur le fait que votre livre, mais on peut déjà le dire, non seulement fait un certain nombre de constats, mais fait un certain nombre de propositions. Mais restons encore sur les constats, parce qu'on n'est pas au bout de nos peines. On a évoqué une élection locale, prenons la dernière élection présidentielle. Dans cette dernière élection présidentielle, je ne veux pas tourner le couteau dans la plaie, mais vous avez soutenu Benoît Hamon, moi-même pour le préciser que toutes les cartes soient sur la table, j'ai soutenu Jean-Luc Mélenchon, et c'est un fait établi que Benoît Hamon a été le candidat quasiment le plus dépensé avec Macron. Et on ne peut pas dire que l'argent dépensé par Benoît Hamon, qui est un argent tout à fait légalement amassé, si j'ose dire, que cet argent lui a servi à avoir beaucoup d'électeurs. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Bah, ça ne fait pas tout l'argent, c'est une régularité statistique. Donc déjà, c'est quelque chose qui est vrai en moyenne, qui ne marche pas à tous les cas. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte. On peut prendre en compte le contexte extrêmement particulier de l'élection 2017. On ne va pas faire maintenant un cours de sciences politiques, mais on a quand même un candidat Fillon dont tout laisse à croire qu'il va gagner l'élection, qui se retrouve piégé, pris entre les mailles de Pénélope. On a un Emmanuel Macron qui finalement va récupérer une partie de l'électorat Fillon et se retrouve propulsé dans les sondages de manière relativement inattendue. Puis il y a aussi ce fait que c'est une élection extrêmement compliquée pour la gauche, où en fait à la place d'avoir un candidat au début, on en a trois, voire même davantage. Mais bon, on a Yannick Jadot, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Il y a un ralliement de Yannick Jadot à Benoît Hamon. Et ensuite, pour un électeur rationnellement, il y a un choix à faire entre Mélenchon et Hamon. Il se trouve qu'il y a un moment, il y a une dynamique qui s'est enclenché, qui s'est jamais réinversé, qui a été une dynamique en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui au final n'est pas si loin de se qualifier pour le second tour. C'est une élection qui est complexe, il y a énormément de facteurs qui sont entrés en jeu. Ensuite, vous avez quand même un candidat qui, même si du jour au lendemain, il y a une inversion dans les sondages, se met à dégringoler, à continuer à faire campagne. Heureusement qu'il n'a pas arrêté de faire campagne, et faire campagne, ça coûte cher. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais ça montre bien en tout cas que ça n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il y a, Dieu merci, non mais c'est important de le souligner, que ce n'est pas automatique, c'est 32 euros. Et d'ailleurs, puisque j'avais dit qu'on reviendrait sur le chiffre, expliquez-nous un point, c'est que à la place où vous êtes assise, nous avons reçu il y a quelques mois Sylvain Tronchet, qui avait fait toute une enquête, notamment sur les comptes de campagne de Mélenchon. À cette occasion, j'avais regardé de près ce que coûtait pour la présidentielle un électeur, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'avais pris ce que les candidats avaient dépensé et combien d'électeurs ils avaient obtenu au final. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout sur 32 euros pour une présidentielle. Thank you. Charline, la quête d'identité ne concerne pas que les individus. Bah regardez-nous par exemple, on est des abrutis ou on est la honte de la République? On est aux ordres de Macron ou on est Radio Bolcho? Je comprends plus rien. En plus, moi j'ai l'accent belge, alors je vous raconte pas mon week-end. Je suis en pleine quête d'identité. Bon, comme à La République En Marche, depuis samedi, Marlène Schiappa, donc vous êtes tous mis à réfléchir pour définir le parti après un an et demi au pouvoir. Mais vous travaillez tellement aussi, je veux dire, 7 jours sur 7, la tête dans le guidon. On n'avait même pas encore eu le temps de vous poser cette question basique, mais au fait... Qui sommes-nous? Voilà. Mais toujours pas d'identité claire. Remarquez qu'à la base, on n'avait pas de programme non plus. Alors, quand on regarde la construction d'En Marche, on peut se demander si on n'avait pas mis la charrue avant les moutons. Hein. Alors, je vous dis tout ça, parce que vous réfléchissez à briguer la présidence du parti. Vous dites en avoir l'ADN. C'est vrai. Vous représentez avec une précision incroyable l'essence même de ce qu'on n'arrive pas à définir dans ce mouvement politique. Donc, bientôt, ce sera peut-être vous, la conductrice du train En Marche. Enfin, je dis train, si ça se trouve, c'est un pédalo ou une trottinette électrique. Hein. On sait pas, on vous a toujours pas défini. Hein, c'est pas évident de vous cerner. Thomas Legrand, ça fait 18 mois qu'il essaye, ça l'a rendu dingue, et voyez le résultat ce matin, bah, il est en ITT. Voilà. Pourtant, La République En Marche, c'est simple. C'est avant tout croire en ses chances. Macron y a tellement cru qu'aujourd'hui il est président, Castaner, idem, et pour vous aussi c'est pareil, depuis que vous avez adhéré, tout vous réussit, non mais vraiment, il n'y a pas à dire. À titre individuel, LREM, ça fonctionne très bien. C'est quand on parle d'intérêt général que ça coince. Mais je me demande quand même, Marlène Schiappa, succéder à Christophe Castaner, est-ce que ça vous met pas quand même la grosse pression? Bah lui, il était balèze, hein, l'idéologie du mouvement, il avait réussi à la résumer en une phrase. Qui ne saute pas n'est pas Macron. Apparemment, vous êtes la favorite pour lui succéder. Face à vous, vous avez, attendez, Jean-Baptiste, non, attendez, non, c'est pas l'affiche, ça c'est l'affiche pour les ministres qu'on connaît toujours pas. L'autre fiche, ah voilà, face à vous, Pierre Person et Sylvien Maillard. Ah oui, s'ils viennent dans ce studio, on saura même pas qui est lequel, faudra vraiment faire gaffe. Ah, ils sont excellents voilà. Tous les deux. Bon, voilà. Stanislas Guérini aussi, ouais, Joachim Sonnenfeld. Vous, c'est pas pareil, Marlène Schiappa, parce que comme vous le dites dans le JDD, vous prenez bien la lumière et on est soulagé de la prendre parce que c'est donc vous qui allez pouvoir nous éclairer. Merci Charline. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. effectivement, on commence à avancer au-delà des lieux communs qui consistent à dire que l'islam est une religion de paix, de tolérance et d'amour. Ça, ce sont les lieux communs qui sont répétés ad nauseam. Si on commence à dire qu'il y a dans le Coran des idées indéfendables, du genre misogynie, phallocratie, homophobie, antisémitisme, éloge de la violence, de la brutalité, célébration de la guerre, etc., on se fait prendre pour un islamophobe. Comme ça, l'affaire est réglée. On peut pas penser cette question-là. L'idée qu'effectivement les gens ne soient pas soumis à l'idéologie dominante, l'idéologie médiatique, à l'idéologie intellectuelle dominante, c'est plutôt bon signe. Je pense effectivement qu'il y a des gens qui conçoivent que il y a des menaces avec l'intégrisme, que effectivement on n'a pas fait la Révolution française pour que les femmes se voilent, on n'a pas travaillé à l'égalité des juifs et des non-juifs, des hommes, des esclaves, des citoyens actifs ou passifs, pour utiliser l'expression de l'époque, pour qu'aujourd'hui on se retrouve avec une société inégalitaire, ouais, avec des gens qui seraient supérieurs à d'autres, avec la possibilité d'égorger quelqu'un simplement parce qu'il ne pense pas comme vous. Mais ça, vous l'attribuez à l'essence même de certains passages du Coran ou de l'islam ? Bah écoutez, les choses sont claires, c'est dans le Coran. Moi, j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths du prophète, j'ai lu une biographie de Mahomet, et les choses sont très claires. Je tiens à jour des fiches très précises, et j'ai effectivement des fiches antisémitisme, homophobie, sexisme, éloge de l'inégalité, célébration de la guerre. Le Coran est plus dangereux que la Bible ? Et ben, je pense que tout dépend du prélèvement. C'est-à-dire, si vous prélevez un certain nombre de phrases qui sont des phrases tolérantes dans le Coran, elles existent aussi. Mm-hmm. Pas de contraintes en matière de religion, dit une sourate. Pas de contraintes en matière de religion. Si effectivement on considère que c'est la sourate majeure autour de laquelle on construit son propre islam, alors moi je défends l'islam, bien sûr. Mais il y a aussi dans l'islam l'inverse. Disons que la Bible, elle est complexe parce qu'elle est fabriquée de livres divers et multiples, avec des auteurs multiples, avec des gens qui ont démarré un texte, si on prend Ancien et Nouveau Testament, 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, et puis d'autres qui sont tardifs, c'est-à-dire en gros sur presque 10 siècles, sur un millénaire, la Bible s'étale, avec des auteurs différents, avec des langues différentes, etc. Le Coran, c'est un texte avec un auteur, allons vite un peu, c'est Gabriel qui dicte à Mahomet, le prophète, un texte qui reste un texte univoque, c'est-à-dire d'une seule voix. Maintenant, effectivement, tout dépend de la présentation qu'on en fera. Oui, parce que vous avez chez les musulmans des gens qui font une lecture extrêmement mesurée, ouverte du Coran, je pense à Malek Chebel, des gens comme ça. Oui, mais Malek Chebel, je sais bien, il parle d'un islam des Lumières. Mais vous ne croyez pas, pour non, vous, pas l'islam tout. Et Lumières, c'est antithétique. C'est-à-dire, si vous dites le Coran est un texte révélé, c'est-à-dire que tout est dit par Dieu, la moindre virgule, le moindre point. Si vous dites, oui, mais ça, c'est daté historiquement. Donc, l'interdiction de l'alcool, finalement, ça vaut pas. On laisse de côté, on peut être musulman et boire de l'alcool. D'accord, je veux bien. L'homophobie, c'est daté maintenant, etc. Il faut... L'antisémitisme, c'est daté. Qu'est-ce qui va vous rester dans ce texte ? Pourquoi est-ce qu'on se dit encore musulman dans ces cas-là ? Donc, quand on dit islam des Lumières, pourquoi pas les Lumières sans l'islam ? Si on se dit, on se réclame d'un texte qui, par définition, n'est pas un texte des Lumières, il suffit de le lire. Donc, vous n'avez pas d'indulgence pour l'islam, finalement ? J'ai pas d'indulgence pour les religions, entendons-nous bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour moi de faire une espèce de classement en disant vérité du christianisme, erreur de l'islam, reprenons les vieilles guerres qui ont été les guerres des croisades. Non, surtout pas. Je dis le judaïsme, l'islam et le christianisme me font le même effet. Mmh. Les trois religions du livre sont pareillement intolérantes. Le christianisme a cessé d'être intolérant parce qu'il n'a plus les moyens de l'être. Sinon, quand il peut l'être, il l'est tout de même, faut pas oublier. Voilà, c'est un petit hommage à M. Averti, ça, parce que pendant longtemps on a vu ça. Bien, vous savez que les journaux ne cessent de parler d'une ville qui est en passe de détrôner Las Vegas, de battre tous les records de popularité, c'est Nanterre. Nanterre est une ville admirable. Visitez Nanterre, sa faculté. Bientôt, il va y avoir des panneaux sur les routes. Quand on arrivera à Nanterre, on visitera ça comme Provins, les cités médiévales. Et on parle surtout beaucoup de Nanterre, parce que bien sûr, il y a des frottements à l'université, il y a des frottements à la faculté. Et on parle surtout énormément des appariteurs musclés. Les appariteurs musclés sont les braves gens qui ont été engagés pour ramener un peu de calme lorsque les étudiants sont un peu excités, un peu énervés. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est que ces appariteurs musclés. Et nous en avons un dans le studio qui a bien voulu venir ici. On ne peut pas dire que vous soyez le chef des appariteurs musclés, parce que c'est une association qui n'a pas de chef. Hein, c'est non, pour non. Vous vous arrangez entre vous, c'est, oui. C'est un groupement. C'est un roulement. Bien, je dois dire que vous êtes quand même appariteur musclé titularisé. Vous êtes un Oui, pas, oui, oui, absolument, carte, absolument. Et tout, et vous vous appelez Gabriel Giflard. Oui, vous pouvez m'appeler Gabi, si vous voulez. Oui, bah, je peux vous appeler Gabi. Écoutez, alors, mon cher Gabi, je vais vous poser des petites questions quand même sur ces, oui. Ces appariteurs musclés. D'abord, vous êtes là pour amener le calme, bon, d'accord, mais comment est-ce qu'on vous recrute? Comment est-ce que vous êtes engagé? Eh bien, c'est très simple. On recrute les appariteurs musclés parmi les culturistes, les athlètes, les danseurs mondains, les antiquaires, vous voyez tout ça. Mais tous les gens qui sont musclés. Tous les gens qui sont musclés. Je veux dire musclés, pas naturellement, qui ont un peu forcé sur le muscle, oui, qui ont, ça, qui ont travaillé sûr. Les poids, les haltères, la piscine, les haltères, les poids. Les choses comme ça. Oui, oui, oui. Bon, oui voilà. Ça. Alors, bah, le problème du recrutement est résolu. Combien vous êtes? Eh bien, on est cinq. Très exactement, 5. 5 pour toute la faculté. C'est ça, c'est ouais. Ça, 5. Je peux vous donner les noms, oui, si oui, vous oui, voulez. Il y a Jean-Chrétien Cachou. Oui. Il y a Bambi. Bambi, ah, Bambi c'est le plus grand. Je l'ai connu, c'est lui qui passait chez Louloute. Dans le, il était, c'est ça, c'est, il voilà. A été chez Louloute. C'est lui qui chantait, je suis né dans le Faubourg Saint-Denis, il ne faut ça. Pas me la faire. C'est ça. Alors c'est il est devenu appariteur musclé. C'est ça. Et il y a Sucrète aussi. Sucrète. Ah, Sucrète, c'est oui. Un, il est assez costaud lui, hein, Sucrète. Faut oui. Pas s'y fier. Et puis il y en a un autre là, mais qui n'est pas, enfin qui, c'est un appariteur aussi, mais enfin il était appariteur avant qu'on arrive. C'est un type, il s'appelle Monsieur Mâche-Pied. Ah oui, oui, oui, c'est pas un professionnel. Moi, je veux dire, c'est un ancien, c'est ça. Oui, c'est un type, il est... Il n'est pas de chez vous, quoi. Non, c'est pas il fait quoi, pas partie, il... disons-le carrément, il fait pas partie de la corporation. Il fait pas partie de notre clan. Il n'en est pas, quoi. Voilà, c'est ça, il fait pas partie des... Voilà, il n'en est pas. Il n'en est pas, non. Des appariteurs non. Musclés. Alors, bon, très bien. On le laisse alors, de côté. Maintenant, imaginez qu'il y ait, je ne veux pas dire une révolte, oui. Mais un peu d'excitation à Nanterre. Oui. Comment est-ce que vous opérez? Qu'est-ce que vous faites? Vous, les étudiants se mettent en colère, ils chahutent. Mais on a chacun... Donnez-nous des locaux. Oui. Bon, ah, vous arrivez là. Qu'est-ce que c'est vous faites ça. Pour vous calmer? Alors, on a chacun sa méthode. Oui. On a chacun sa méthode. Moi, par exemple, j'ai la mienne. Je repère le meneur. Je repère... Oui, un des meneurs, quoi. Surtout si le meneur, il est grand, s'il est blond, s'il est mince, je le repère, comme ça. Si vous êtes sympa, enfin, je veux dire, c'est, si oui, vous c'est plaît, ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ça. Et alors, voulez, vous et alors, je le repère, je m'approche tout doucement. De temps en temps, évidemment, je file un coup de pied à M. Mâche-Pied, qui est pas... Au vieux, qui est pas, ah, oui, pas oui, parti non, de chez vous. Celui-là, je le loupe pas. Alors, je le repère, je m'avance, et crac, je le ceinture. Ah, vous le ceinturez, oui. Vous l'immobilisez, voilà, c'est je ça. Prends en comme fait, ça, je le serre dans mes bras, je le serre. C'est une sorte de lutte paisible, voilà, ça, vous le maîtrisez plutôt que vous le... Ouais. Ah, voilà, exactement, voilà. Il y en a qui se rebiffent des fois. Oh, bah, oui, bah alors là, je les lâche parce que... Oui, parce que vous n'êtes pas méchant, foncièrement, vous êtes là pour ramener oui, le calme. Oui, mais... puis je vais vous dire, j'ai un peu la trouille. Oui, d'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie, mon cher Gabi. C'est très gentil. Au revoir, Jean. Voilà, au revoir, voilà. Ben, vous viendrez quand vous pourrez ici. Nous allons nous tourner maintenant vers un autre invité qui nous fait la... Bonjour, messieurs les marchands des tableaux. Je cherche un tableau représentant un paysage, de préférence dans son cadre, pour qu'il ne soit pas trop dépaysé. Si vous avez quelque chose de gai, parce que mon intérieur est triste, de la pointure à l'huile, parce que la peinture à l'eau, ça s'en va au premier lavage. Moi, je tiens un coup d'œil, là, si vous permettez. Oh là là, elle est pas gaie, celle-là, hein. Avec les cheveux qui lui tombent autour des fesses, là. C'est qui, la dame, là? Bernard Biffette. Ah bon, je les voyais pas comme ça, moi. Et... Ah, c'est la femme triste de Bernard Biffette. Ah oui, c'est pas Bernard Biffette. Ah oui, oui, oui. Ça, je me disais aussi, c'est oui. Ça, pour être triste, elle a l'air triste, hein. On sent que ça a dit l'emmerder de poser toute nuit comme ça pendant des heures. Hein? Vous voyez? Si j'avais ça au-dessus de mon lit, déjà que ma femme, elle est pas gaie, elle serait deux à me faire la gueule. Et la dactylo noire, là, qui tape à la machine, c'est qui, là? La dactylo noire, là, qui tape à la machine, hein? Ah, c'est Louis Armstrong qui joue du piano. On y comprend bien rien avec la pointure moderne, hein? C'est de qui, ça? Moretti. C'est celui qui l'appelle la Joconde, ça, non? Ah, vous avez raison, oui, je confonds avec Léonard de Vinci. Oui, Moretti, il n'est pas de Vinci, il est de Vincennes, je l'ai rencontré. Il pesait son marché. Et l'homme oiseau, là, c'est qui? L'homme oiseau, là, Chagall. Mais c'est pareil, on n'y comprend rien du tout. Ça représente un homme avec une tête d'oiseau qui tient dans son bras gauche une horloge et dans son bras droit une jambe de femme. Qu'est-ce que c'est ça? Qui te dit, a priori, c'est un type qui a fait des affaires au marché aux pices. Et c'est moderne aussi, ça? C'est naïf. Ah bon, c'est naïf. Et ça coûte combien, les naïfs? Oui, l'original, oui. 2 millions. Enfin, dis donc, 2 millions anciens. Nouveaux. 200 millions. Eh ben, dis donc, pour un naïf, il se débrouillait pas trop mal, hein. Oh là là! Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Il est tombé de son cadre, celui-là, non? Regarde-moi ça, il a un œil en dessous de l'autre, il a une oreille rentrée dans la bouche, il a le menton qui lui remonte jusqu'au front. Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Il est soldé, celui-là, non? C'est qui, ça? Qu'est-ce que c'est, celui-là? Picasso? Le grand Picasso? Bah, dis donc. Bah, moi, à la place de Picasso, je l'aurais pas signé, celui-là. Parce que c'est pas pour critiquer, mais le jour ou la nuit où il a peint ça, il devait tenir une sacrée cuite, hein. Elle a même pas les yeux en face des trous. Et c'est naïf aussi, ça. C'est typique. Ah bon, c'est typique. Ah oui, je voyais bien qu'il a tourné par rond, oui. C'est de la pointure typique, quoi. Et ça représente quoi, un homme, une dame? Une dame. Ah bon? Et vous croyez qu'elle l'a vu, son portrait, après? Elle n'a pas dû être contente, hein. Vous imaginez Picasso, au temps de l'Inquisition, en train de peindre, je sais pas moi, la reine d'Espagne, Isabelle la Catholique, de cette façon-là? Il finissait pas le tableau, hein. C'était ou les cachots, ou les fachos, ou les chapeaux. Et ça coûte combien, la pointe typique, là? L'original? 6 millions. Encore plus cher que l'autre. Mais 6 millions anciens, cette fois. Quoi nouveau? 600 millions? Eh ben, dis donc, ça rapporte, la pointure typique, hein. Moi, demain, je vais me mettre à fabriquer des caleçons molletonnés avec une jambe plus courte que l'autre et la braguette au derrière. Je dirai aux clients, c'est pas un défaut, c'est un caleçon typique. J'aurai bien de la chance, moi. Alors... Allons, fils de la République, le jour du vote est arrivé. Contre nous de la noire clique, l'oriflamme ignoble est levé. L'oriflamme ignoble est levé. Entendez-vous tous ces infâmes, croassez leur stupide chant. Ils voudraient encore, les brigands, salir nos enfants et nos femmes. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Que veut cette maudite engeance, cette canaille à jupon noir? Elle veut étouffer la France sous la calotte et l'éteignoir, sous la calotte et l'éteignoir. Mais de nos bulletins de vote, nous accablerons ces gradins. Et les voix de tous les scrutins leur crieront à bas la calotte. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Quoi, ces curés et leurs vicaires feraient la loi dans nos foyers? Quoi, ces assassins de nos pères seraient un jour nos meurtriers, seraient un jour nos meurtriers? Car ces cafards de ville race sont nés pour être inquisiteurs. À la porte, les imposteurs, place à la République, place. Aux urnes, citoyens, contre les Les coquins, cachez-vous, traîtres, disparaissez loin de nos yeux. Le peuple ne veut plus de prêtres, patrie et loi, voilà ses dieux. Patrie et loi, voilà ses dieux. Assez de vos pratiques niaises, les vices sont vos qualités. Vous réclamez les libertés, il n'en est pas pour les punaises. Aux urnes, citoyens, contre les clérigaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Punissons les crimes de ces immondes calotins. N'ayons pitié que des victimes, que la foi transforme en crétins, que la foi transforme en crétins. Mais les voleurs, les hypocrites, mais les gros moines fainéants, mais les escrocs, les charlatans, pas de pitié pour ces jésuites. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. De l'imposture inspire nos votes vengeurs. Expulsons l'horrible tonsure, hors de France les malfaiteurs, hors de France les malfaiteurs. Formons l'union radicale, allons au scrutin le front. Pour sauver le pays, il faut une chambre anticléricale. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Bonjour, je suis le docteur Evelyne Marie, directrice du prélèvement et de la greffe de cellules souches hématopoïétiques à l'Agence de la biomédecine et plus particulièrement responsable du registre des donneurs de moelle osseuse. Bonjour, je suis le docteur Jean-Louis Beaumont, je suis praticien hospitalier spécialisé dans les maladies du sang et je suis responsable du recrutement des donneurs volontaires de moelle pour l'Île-de-France. Je suis le docteur Villemur, référent DVMO à l'établissement français du sang Île-de-France. Aujourd'hui, en collaboration avec l'établissement français du sang, nous allons vous parler du don de moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est un organe, ou plutôt un tissu, qui fabrique l'ensemble de nos cellules sanguines tout le long de notre vie, nos globules rouges, nos globules blancs, nos plaquettes sanguines, et qui permettent de régénérer en permanence notre sang. Chaque année, en France, 2000 patients ont besoin d'une greffe de moelle osseuse à partir d'un donneur non apparenté. Ça signifie en fait que ces patients n'ont pas dans leur famille, dans leur fratrie, un donneur compatible. Et donc, ils ont besoin, pour pouvoir bénéficier d'une greffe, d'un donneur inscrit, volontaire, sur un fichier de donneur de moelle osseuse. Pour 80% des cas, on va dire, ce sont des maladies de la moelle osseuse, des leucémies. avec un taux de réussite de 60% des cas. On connaît les enfants bulles, ils n'ont pas de défense immunitaire d'anticorps, donc il faut changer leur moelle. Donc ils peuvent bénéficier d'une greffe de moelle osseuse. Puis vous avez aussi les aplasies médulaires, c'est-à-dire que la moelle ne fabrique plus aucune cellule. Et enfin, vous avez une infime partie de malades qui ont une drépanocytose ou une thalassémie qui pourraient bénéficier, dans certains cas, de greffe de moelle osseuse. Qui peut donner sa moelle osseuse ? Ce sont des personnes qui vont s'inscrire sur un fichier, fichier qui est international et qui comprend des milliers de personnes. Il faut être âgé de 18 à 50 ans, ne pas présenter de pathologies chroniques, de maladies graves, sévères, notamment cardiaques, de diabète insulinodépendant, d'asthme sévère. Et la personne qui s'inscrit va avoir un interrogatoire médical poussé et notamment un grand nombre de tests biologiques afin de déterminer s'il ne présente pas un risque pour lui-même mais aussi surtout pour le patient. Le don de moelle est bien sûr un don anonyme. Le donneur et le patient ne se connaîtront jamais. Bonjour, je m'appelle Jean-Nicolas, j'ai 33 ans et je suis venu aujourd'hui donner ma moelle osseuse. Je suis donneur de sang assez régulier. Et à l'occasion d'un don du sang, on m'a parlé de l'opportunité de donner ma moelle osseuse. Et après m'être renseigné sur Internet, j'ai pensé que c'était une chose que je voulais faire. S'il n'y a pas de contre-indication à la suite de l'entretien, le donneur ira en salle de prélèvement. Une infirmière prélèvera deux tubes de sang, le plus souvent au pli du coude, pour permettre de faire la recherche des groupes tissulaire, parce que pour la compatibilité entre un malade et un receveur, on va s'attacher à la compatibilité entre les tissus et non pas la compatibilité sur les groupes sanguins. Le don de moelle osseuse est géré en France par l'Agence de la biomédecine qui a en son sein ce registre des donneurs de moelle osseuse et qui a la responsabilité de rechercher pour tout patient qui est en attente d'une greffe de moelle osseuse, un donneur compatible. On interroge l'ensemble des fichiers. En premier lieu, le fichier français. Si par contre, on ne trouve pas dans notre propre fichier national, eh bien là, on va étendre la recherche à l'ensemble des registres mondiaux pour tenter de trouver le donneur compatible, c'est-à-dire génétiquement identique au patient, qui lui permettra d'être greffé. À l'intérieur d'une fratrie, on a une chance sur quatre de trouver un donneur compatible avec le patient. Mais on a une chance sur 1 million de trouver quelqu'un compatible pris au hasard dans le monde. Parce que le donneur est unique, il a été sélectionné uniquement pour un patient et des fois c'est le seul dans le monde. Le jour où on va trouver une compatibilité entre un donneur et un receveur, on va rappeler le donneur parce que ça peut avoir lieu 5 ans, 10 ans après la première inscription. On refera un entretien médical parce que son état de santé a pu évoluer depuis et on va voir sa motivation s'il veut toujours donner. Il aura une visite avec un anesthésiste pour valider son aptitude à l'anesthésie générale éventuellement. Il ira au tribunal de grande instance signer un consentement pour être sûr qu'il est bien informé et qu'il sait sur quel prélèvement il va s'engager. Et ensuite aura lieu le prélèvement. Alors il y a deux façons de donner sa moelle osseuse. La première façon, c'est sous anesthésie générale. Le prélèvement se fait dans les crêtes iliaques postérieures, c'est-à-dire en haut des fesses, et avec une seringue, on aspire et on prélève entre 700 ml et 1 litre de moelle osseuse. C'est un tissu vivant qui va se reconstituer rapidement. Donc au réveil, on peut avoir des douleurs à ce niveau-là, mais on prend un antalgique et au bout de 5 jours, c'est fini. Et sinon, l'autre technique qui est maintenant fortement privilégiée, c'est ce qu'on appelle la technique d'aphérèse, c'est-à-dire que par voie sanguine, on va pouvoir collecter les cellules souches qui sont transitoirement sorties de la moelle, qui circulent dans le sang et qui permettent d'obtenir un greffon très riche en cellules souches pour le patient. Pendant 4 jours, on va vous donner un médicament en sous-cutané. Ce médicament va rentrer dans les os, agir sur les cellules souches de la moelle et les faire sortir dans le sang circulant. Comme il y en a beaucoup qui sont dans le sang circulant, on utilise un séparateur de cellules comparable aux appareils qu'on utilise pour prélever les plaquettes. Donc le sang du donneur rentre dans cette machine, on fait un tri, on filtre les cellules de la moelle, on les garde dans la poche pour faire le greffon et on rend au donneur les cellules qu'on ne veut pas, les globules rouges et les plaquettes. Et là, il faut compter 2 matinées de 4 heures. Ce n'est pas le donneur, ce n'est pas le médecin de l'EFS qui va décider de quel type de prélèvement on va faire. C'est le médecin qui s'occupe du malade, le médecin greffeur, en fonction du patient, de sa pathologie, de son état, qui préférera les cellules issues du bassin ou les cellules souches périphériques. Chacun a son avantage. Une fois que le prélèvement est terminé, la personne devra d'abord recevoir un petit repas parce qu'il en a bien besoin. Une fois que l'on sait qu'on a obtenu le bon nombre de cellules, il peut rentrer chez lui, se reposer et retrouver ses activités quasiment le lendemain. Deuxième solution, c'est qu'il manque un petit peu de cellules et dans ces cas-là, le donneur est reprélevé le lendemain pour obtenir le greffe. Le donneur pourra donner une fois pour un patient. Après, il ne pourra pas être sollicité pour un nouveau patient. Pourquoi ? Parce que quand on a donné sa moelle osseuse, on reste toujours en vigilance pour le patient pour lequel on a donné, au cas où il faudrait rebooster la moelle après la greffe qui a été réalisée. En France, donc, 258 000 personnes sont inscrites. Et dans le monde, dans 73 registres, au total, il y a 28 millions de donneurs qui sont prêts à aider un patient à guérir. La plupart des gens, si on venait les voir et leur dire que vous personnellement, vous avez la possibilité de sauver une vie, la plupart des gens diraient oui. C'est juste ça, en fait, le don de moelle osseuse, c'est se rendre disponible, donc s'inscrire sur Internet. Et puis une fois qu'on a fait cette inscription, bah, peut-être qu'un jour, on viendra vous voir en disant « vous personnellement, vous pouvez sauver une vie ». Bonjour Hubert Rives, astrophysicien bien sûr, président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité de la nouvelle Agence française pour la biodiversité. Merci d'être notre invité. C'est un livre étonnant que vous publiez au Seuil. Vous êtes assis sur le banc du temps qui passe et vous méditez sur la vie, sur le monde, sur l'univers, comme un enfant qui regarde le ciel. Oui, c'est une sorte de jeu en fait, c'est-à-dire de laisser monter des images et puis ensuite de se dire, de se concentrer, de qu'est-ce que ça me dit au travers de mon passé à moi, ou à la fois personnel et professionnel, qu'est-ce que tel mot me suggère. Donc c'était le but, c'est le jeu que j'ai accepté, je me suis donné de jouer, oui. Ça a donné tous ces quelques 150 notes, oui, différentes. On peut prendre comme ça, on peut lire quelques mots, et puis il y a des citations littéraires, il y a un regard, je le disais, d'enfant finalement. Oui, mais merci, je suis content que vous ayez réagi comme ça. C'était un peu ça que je planifiais, effectivement. Oui, vous vous interrogez, la puissance de la pérennité, la force de la vie. Oui, et en même temps, le néant, qu'est-ce que ça vous suggère? L'idée néant, l'idée de la mort, l'idée de plein de choses qui vous passent par l'idée, par la tête, et sur lesquelles vous essayez de vous accrocher et de vous affronter ou de vous confronter, comme, oui, comme on veut. Vous dites par exemple, y a-t-il une intelligence de la nature ? Oui, voilà, je dis, j'ai, depuis que je suis petit, la conviction intime, mais au niveau d'un préjugé, pas d'une vérité, d'un préjugé, j'ai la conviction intime que la nature, comme on dit la nature avec des guillemets, c'est quelque chose qui est possédé par une intelligence éblouissante. Et j'ai toujours eu cette idée que c'était beaucoup plus intelligent que moi-même. Oui. Ça me dépassait de partout et ça m'a donné cette idée que ce serait bien de prendre comme métier, de passer sa vie à essayer d'essayer de scruter cette intelligence, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la réalité, la matière, l'énergie, tout ça. C'était un peu les oiseaux, le ciel, les étoiles et tout. C'était un peu, pour moi, ce qui me paraissait, je me souviens que le mot, c'était une bonne vie. Une bonne vie, c'est de faire de la science et d'essayer de comprendre. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que vous vous êtes dit très tôt, finalement, l'univers, c'est ma famille. Vous dites, les étoiles sont mes grands-mères. Voilà, exactement. Ça, c'est le message de la science contemporaine. Les étoiles, nous sommes des poussières d'étoiles. Les étoiles sont les lieux où nos corps ont formé, où se sont formés les atomes qui allaient former notre corps. Donc, quand vous regardez les étoiles, vous avez l'impression que c'est tellement loin. D'ailleurs, vous savez pas si c'est loin ou si c'est près. C'est là, ces petits points lumineux. Vous n'avez absolument pas l'idée que vous avez cette relation, que c'est là que se sont formés les atomes que vous touchez quand vous touchez votre corps. Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai trouvé intéressant de dire aux gens, voilà une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas étranger à ce monde dans lequel vous êtes né. Vous en faites partie. Ce que vous êtes vous-même a commencé là. Votre histoire commence avec des galaxies, des collisions d'étoiles, tous ces phénomènes. C'est ça qui est le sens que je donne à la phrase « nous sommes chez nous ». Dans l'univers, nous sommes partie intégrante de cette très longue histoire qui dure depuis maintenant, nous le savons, depuis 14 milliards d'années, oui, et dans laquelle cette matière s'est organisée sous l'effet des forces de la nature, a donné naissance à toutes les structures, les atomes, les molécules, les cellules vivantes. Tout ça, ça fait partie. Nous sommes partie prenante de cet univers. Oui, et vous dites par exemple, quand j'arrose mes fleurs, assis sur mon banc, je fais partie de cet univers-là. Je fais partie et je deviens actif, dans le sens que je vais me mettre dans cette évolution, puisqu'en arrosant les plantes, je vais leur permettre de vivre. Oui. Donc je suis actif dans cette histoire de l'univers. Oui, il y a beaucoup de poésie. Vous dites aussi, voilà, quand je lève ma main ou mon bras, j'agis sur les atomes qui composent mon corps, mais un jour, ces atomes-là vont me quitter. Exactement, ça c'est notre sort à tous. Un jour, nous disparaissons, c'est-à-dire que nos atomes retournent, ils sont recyclés peut-être feront des fleurs, peut-être feront des... n'importe quoi. Mais tout l'univers, c'est du recyclage continu d'atomes qui passent dans vous, qui sont peut-être passés dans un dinosaure il y a quelques 100 millions d'années. Et oui. Donc c'est ça, c'est de réaliser ce qui se passe. Oui, et il y a une force, dans l'univers, force de vie. Vous citez Yasmina Reza, l'important c'est d'agiter la vie. On a tout le temps d'être mort. Ça, évidemment, on peut se dire ça. Moi je dis ça si à un moment donné j'ai tendance à déprimer. Je me dis non, ben, je reste en vie, je veux rester en vie pendant que ça dure. Ça ne durera pas toujours. Vous faites une lettre à un enfant à naître, vous lui dites, tu vas vivre, et je vous cite, une merveilleuse et tragique expérience. Tragique expérience, oui. Dans la vie, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi de l'horreur, on le sait. Il y a des camps de concentration, il y a des Bataclan, il y a des histoires horribles, impensables, mais il faut savoir que ça existe, et surtout qu'il faut refuser d'en faire partie. Ça, c'est un message qui est important pour les enfants. Dans ta vie, tu vas peut-être rencontrer de l'horreur. Non, n'en fais pas partie. Fais tout pour n'avoir rien à voir avec tout cela, pour ne pas s'y associer, en tout cas, de n'être jamais associé à l'horreur. Oui, vous dites, l'au-delà de moi-même, je le rencontre non pas dans les textes religieux ou philosophiques, mais dans la musique. Vous dites, les salles de concert sont mes églises. Oui, ben c'est ça votre croyance ? Vous m'avez dit que vous êtes pareil. Vous sentez aussi cela. La musique, c'est merveilleux. C'est la musique qui vous fait sentir ce qui est sacré dans la réalité. C'est le moment où vous passez, où vous prenez conscience du fait que ça vous dépasse et que vous fondez. J'aime bien ce mot « fondre ». Quand la musique vous fait fondre, tout d'un coup, vous êtes obnubilé. Et la musique a cet avantage d'être universelle. Elle ne dépend pas de la langue. Elle est quelque chose qui appartient à tous les hommes. C'est comme un moyen d'unifier les relations humaines. Nous les unifions par le fait que nous aimons tous Beethoven. Oui, mais est-ce que, et vous vous posez la question, est-ce que la beauté peut sauver le monde ? Ça, justement, on peut se poser la question, mais moi j'en doute. Je crois que ce n'est pas aussi simple. C'est ce que pensait, Dostoïevski se posait la question dans L'Idiot. Bon, moi je pense que la beauté peut aider les gens à avoir des sentiments plus humains, disons, mais sauvera-t-elle le monde et est-ce que le monde sera sauvé? Tout ça, c'est une mythologie. Oui. Vous êtes clair. Vous dites, Hubert Reeves, il faut se méfier des grands principes. Vous dites même, l'intelligence est un cadeau empoisonné. Pourrait être. Oui. Si elle nous amène à nous détruire. L'intelligence, nous avons à montrer que nous sommes capables de vivre avec notre énorme puissance. Les humains, nous avons une puissance fantastique. Et cette puissance est tellement grande qu'à bien des reprises, elle a failli nous éliminer. Quand ? Pendant la guerre froide. Vous voyez bien, à plusieurs reprises, maintenant, ça ressort. Combien de fois nous sommes passés à deux doigts d'avoir une guerre nucléaire qui aurait pu nous exterminer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe que notre intelligence, qui est le grand cadeau de la nature, qui nous aide à vivre, tout d'un coup, montre son visage menaçant. Si nous ne pouvons pas contrôler notre comportement, nous disparaîtrons. Et nous disparaîtrons avec des choses qui viennent de notre intelligence. Oui. Ce qui nous menace aujourd'hui, c'est les bombes atomiques, c'est notre impact sur la nature que nous saccageons. Nous apercevons que c'est comme si la nature nous avait fait un cadeau en disant « je vais vous faire un beau cadeau ». L'intelligence. Mais maintenant, débrouillez-vous avec. N'arrivez pas à vous détruire au moyen de votre intelligence. Oui. D'ailleurs, vous dites, la nature ne fait pas de déchets. La nature, c'est l'homme qui fait les déchets. De déchets. Oui. La nature recycle toujours tout. Et nous devons apprendre à tout recycler. Donc, il faut pas croire aux prophéties. Il faut pas croire aux, vous dites, aux grands principes. Il faut pas croire, finalement, il n'y a pas de réponse. Vous dites, il faut expliquer, chercher. Mais on sait qu'il n'y a pas de réponse. On ne sait pas s'il y a des réponses. Je le dirais autrement. Il y a des questions auxquelles la science nous apporte des réponses. Il y a des questions auxquelles nous ne savons absolument pas si nous trouverons des réponses. Notre cerveau est limité. Il faut comprendre que nous sommes une espèce animale parmi des millions d'espèces animales. Chacune a son cerveau, son intelligence qui lui a permis de survivre, mais cette intelligence est limitée. J'aime bien cette expression. Vous n'auriez pas l'idée d'enseigner la géométrie à votre chat. Parce que vous savez bien que votre chat, qui est intelligent, mais n'a pas cette intelligence. Et de la même façon, nous sommes intelligents, mais notre intelligence n'est pas illimitée. Il y a des questions qui se posent qui auxquelles on ne pourrait peut-être jamais trouver de réponse. Il faut vivre avec ça. Merci beaucoup, Hubert Reeves. On a envie de s'asseoir avec vous sur un banc, là, comme dans ce livre, hein, et puis méditer sur le temps qui passe, et puis regarder vers le ciel, comme vous le faites, avec beaucoup de poésie, mais la poésie d'un grand scientifique. Merci beaucoup, ce livre est publié au Seuil. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité. De Godoisveld, parce qu'ils s'étaient tous à dire almazan, qu'un flamin, un guise d'intermède, y aime badasser au son du cordéon. Qu'est-ce qui s'invite chez une bonne musicienne, je crois au faire un avenir avec un roubaisienne. Alors suis venu un dimanche à dîner avec ma cordéon pour duer d'un saint cabaret. Knicker, brok knicker, quand tu voudras prendre du plaisir, un bel chevec, un steak bec, quand tu voudras danser avec cordéonné, mais surtout des joyeux, soir et matin, je vais danser les gens, cordéonné, mais surtout des joyeux, soir et matin. Me bien pour mademoiselle, qu'est-ce que te voudras choisir à amoureux, te feras jamais un soir plus belle, qu'est-ce que te prendras un bel cordéonneux, d'un mon baisson, qu'avec les affaires brère, je prends mon cordéon et tout de suite le fasse taire. Fin d'une semaine, je vais jamais ouvrir, je gagne ma main quinzaine, j'ai un bel cabaret. Knicker, brok knicker, quand tu voudras prendre le plaisir, un bel chose avec un steak avec, quand tu voudras dâcher avec, cordéonné, mais surtout des joyeux, soir et matin, je vais dâcher les gens, cordéonné, mais surtout des joyeux, soir et matin, je vais dâcher les gens. Je connais tous les airs de France, demander à tout ce que tu voudras, cache que j'attends une nouvelle danse, au poil longtemps, tout de suite aux labrados, sans son Paris, ou bien des Valenciennes, oui je vais dans les dos, et je t'en fais un ragaine, ouais Caponol, j'ai ta corps mais quel mieux, j'ai mis plus décoré, tous les cordéonneux. Surtout les joyeux, soir et matin, je fais danser les gens. Bien voilà, cette émission se termine. Après cette mosaïque d'enregistrement, je vous propose quelques articles de presse, enfin quelques extraits d'articles de presse. Les anciens agriculteurs inquiets, par exemple à Arceaux, l'Assemblée Générale des anciens exploitants agricoles du Grand Est s'est tenue cette année dans les Vosges, dans l'ancienne féculerie d'Arceaux. Ils se disent inquiets de leur baisse de niveau de vie. 846... C'est-à-dire, c'est leur ressource en 846, c'est le seuil de pauvreté en France, en euros. Alors, quelques agriculteurs sont concernés par ce chiffre-là, hein, légèrement au-dessus, un peu en dessous, ou à peu près à ce niveau-là. Ouais, ben c'est pas normal. Les gens qui nourrissent le reste de la population doivent avoir un niveau de vie normal. Hein. Pauvreté, pourquoi il y a vraiment urgence? Emmanuel Macron présente jeudi son plan contre l'extrême précarité qui concerne des millions de familles en France avec une ligne directrice renforcée d'accompagnement pour lutter contre les inégalités de destin. Alors c'était il y a déjà quelques jours, c'était le 12 septembre. Est-ce que vous avez entendu parler de nouveau de ce projet-là de lutte contre la pauvreté? Quand c'est des gens comme Macron se parlent de lutter contre la pauvreté, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de résultats, bien entendu. Affaire Benalla. 12 septembre encore, les zones d'ombre. Le chef de cabinet d'Emmanuel Macron doit être entendu aujourd'hui par la commission des lois du Sénat. Alexandre Benalla, lui, accepterait finalement son audition prévue le 19 septembre. Retour sur les points à éclaircir, qui sont toujours pas éclaircis. Hein, oui, on est déjà bientôt au mois de novembre et ça n'est pas éclairci. Vous avez remarqué que un clou chasse l'autre, une irrégularité en fait découvrir une autre, qui en fait découvrir une autre, et ainsi de suite, et rien n'avance. Le nombre de chômeurs est toujours de 6 millions en France. 6 millions de victimes de ces gens-là. 6 millions de victimes de ces gens-là. Oui, je répète. Hein, rappelons que l'article 35 de la Constitution de 1793 disait à peu de choses près ceci, lorsque les citoyens ne peuvent pas obtenir justice, ils ont le droit et l'impérieux devoir de faire justice eux-mêmes. De faire justice eux-mêmes. Cet article-là n'a pas été repris dans les constitutions suivantes. Pourquoi donc? Le département en déprise démographique. Un rapport de l'INSEE qui paraît ce mardi se penche sur la démographie du Grand Est et des pays frontaliers d'ici 2036. Sans surprise, le département des Vosges continue son déclin démographique. Alors c'est peut-être pas une gloire pour nos chers élus. Dans le sens de chers qui coûtent cher, pas qui nous sont... Hein? Non, quand même. Hein? Ils nous ont coûté cher, tous ces élus, et ils continuent à nous coûter cher. Et puis pas que les élus, hein, aussi les décideurs en général, hein, ceux qui sont à la tête d'entreprises, qui fabriquent du chômage, parce que ça les arrange de payer moins de salaire, de payer moins de cotisations sociales avec, et puis en même temps de faire peser sur les salariés restants la charge de travail qui est complémentaire, et puis surtout la menace de perdre son emploi. Hein, voilà, et donc les salaires n'augmentent plus depuis un certain temps déjà à cause du chômage ou grâce au chômage. Hein, si le chômage n'existait pas, ces gens-là l'inventeraient. Et d'ailleurs, c'est eux qui l'ont inventé. Eh oui. Eh ben voilà, 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres dans ce pays qui prétend être riche, qui d'ailleurs est assez riche, puisque les riches sont de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres, comme par hasard. Mais bon, les gens continuent à voter comme ça, eh ben oui, que voulez-vous, hein? Le larbin, le pauvre chien, c'est le pauvre chien que l'on bat, qui reçoit des coups par son maître, que le maître se blesse en battant son chien, eh bien le pauvre chien il vient et il lèche gentiment les mains du maître qui vient de le battre. Voilà. Eh bien il y a beaucoup de lecteurs qui sont comme ça.